Bonjour à tous. Aujourd'hui, moelleux, cœur coulant, caramel pour 4 personnes. 150 g de sucre, 100 g de beurre de sel, 4 œufs, 140 g de farine et 15 cl de crème entière. Dans une casserole, faire le caramel avec une cuillère à soupe d'eau, belle coloration blonde. Ajoutez la crème chaude plus le beurre. Bien mélanger, retirer du feu et laisser tiédir. Battre œuf plus farine, ajoutez le caramel et remuez doucement. La pâte doit être très lisse. Beurrez des moules individuels, versez la pâte dedans. Enfournez 7 à 8 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, démoulez délicatement. Saupoudrez de sucre glace et servir aussitôt. Un petit vin conseillé, un bon basiac à boire avec modération.